Salihou. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Une femme de la colline Butihinda en province de Muyinga a été tuée hier soir. L'auteur du forfait serait son mari. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi au bureau de la société Lumitel, cette fois à Kayanza. Tout le matériel se trouvant au bureau a été endommagé selon des sources sur le lieu. Le maire de la ville de Bujumbura appelle les responsables des églises à suspendre les chambres de prière devenues en séjour des maisons de guérison, alors que non. Reportage du jour, on parlera de jeunes filles qui se créent de l'emploi en commune Gihanga de la province de Bubanza. C'est le cas d'une jeune fille qui s'est créée un secrétariat. Et puis, dans la chronique éducation, Marie-Claire Kazeneza nous parlera de la surpopulation des élèves dans les salles de classe. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. La radio de l'avenir. Une femme de la colline Butihinda en zone Chumba de la commune et province de Muyinga est morte dans la nuit de mardi à mercredi. Emeline Miburo aurait été tuée par son mari. Shabani Nimuona, le chef de zone Chumba, précise que l'homme en question a été vite arrêté et remis au parquet de Muyinga. Le mobile du meurtre n'est pas déterminé. Ce qui est connu est que l'homme et la femme ont commencé à se disputer juste après la fermeture de leur boutique avant de se jeter l'un sur l'autre jusqu'à ce que l'homme achève son épouse. Un incendie s'est déclaré au bureau de la société de télécommunications Lumitel au chef-lieu de la province de Kayanza ce mardi aux environs de 19h. Des sources sur place indiquent que tout le matériel se trouvant dans ce bureau a été endommagé. Le feu a été maîtrisé dès l'arrivée du camion extincteur de la police en provenance de Ngozi à peu près une heure après l'incendie. Le commissaire provincial de police à Kayanza ne veut pas en dire beaucoup quant aux dégâts occasionnés par ce feu dont l'origine reste inconnue. Il indique seulement qu'ils sont à pied d'œuvre. Pour en savoir plus, deux agents de cette société sont sous les verrous pour question d'enquête, n'est-ce pas Apollinaire Mouzagara? Ces jeunes hommes qui ne lavent que deux véhicules et motos aux différents endroits. Nous nous excusons, l'élément sonore que nous voudrions n'est pas celui d'Apollinaire Mouzagara et nous poursuivons ce journal. Le maire de la ville de Bujumbura demande aux responsables des églises de suspendre les chambres de prière devenues ces derniers jours des maisons de guérison, alors que non. Freddy Mbonimpa l'a dit ce mercredi au cours d'une réunion avec les représentants des confessions religieuses. Il rappelle également que la célébration des mariages se fait uniquement les samedis selon l'ordonnance du ministère de l'Intérieur. Évariste Nzikobanyanga est sur le lieu. Évariste, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, Léon. Et qu'est-ce que le maire de la ville a dit aux représentants des confessions religieuses? Oui, au cours de cette réunion avec les représentants des confessions religieuses, Freddy Mbonimpa est revenu sur ces chambres de prière que vous veniez d'évoquer, de parler. Ce moment où certains des représentants des confessions religieuses sont revenus sur le tapage qui sont occasionnés par ces chambres de prière qui sont devenues aussi maisons de guérison. Ils ont demandé pourquoi ces chambres de prière n'ont pas été suspendues durant l'année de 2018, comme ça a été demandé par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le maire de la ville. Ici, le maire de la ville, Freddy Mbonimpa, a indiqué que c'est pourquoi cette question devrait être débattue dans cette réunion d'évaluation de l'année écoulée. Pour voir des perspectives d'avenir à ce sujet, ici Mbonimpa a indiqué aux représentants des confessions religieuses que les autorités administratives à la base, les représentants des confessions religieuses vont se mettre à l'œuvre au cours de cette année pour que cette pratique soit éradiquée. Merci beaucoup Évariste. Nous espérons avoir beaucoup de précisions dans nos éditions ultérieures. La vie devient de plus en plus difficile pour beaucoup de ménages du chef-lieu de la province de Ngozi au nord à cause de la pénurie de carburant qui perdure dans cette province. Une semaine peut passer sans aucune goutte d'essence et de mazout. Grogne donc chez les mécaniciens et ceux qui vivent du lavage de véhicules. Ils indiquent qu'ils attendent toujours la journée, ne fût-ce qu'un véhicule sans succès, car ils sont garés à la maison faute de cet or noir. Apollinaire Mouzagara. Que de véhicules et motos aux différents endroits du chef-lieu de la province Ngozi avouent que ce métier faisait vivre leur famille. En temps normal, ils recevaient au moins 10 véhicules par jour à raison de 3000 francs pour chaque. Depuis le début de cette pénurie de carburant, la situation a changé. Ils attendent toute la journée, mais enfin, des véhicules restent garés à la maison, faute de carburant, d'où le problème de nourrir leur famille, déplore-t-ils. Pas seulement ces laveurs automobiles qui en souffrent, des lamentations s'observent également chez les mécaniciens. Selon eux, des véhicules qui restent à la maison ne tombent jamais en panne. Cette pénurie de carburant touche aussi certaines sociétés de télécommunications, même si certains du personnel préfèrent garder l'anonyme. D'après eux, certains centres de télécommunications sont actuellement fermés car des groupes qui les alimentent en électricité ne trouvent plus de carburant, d'où le problème de réseau insuffisant actuellement. Toutes ces catégories de personnes demandent aux autorités habilitées de chercher une solution à ce problème de manque de carburant avant qu'il ne soit tard. Donc aussi, Apollinaire Mouzagara, Radio Isangani. Merci Apollinaire. Certains justiciables de la nouvelle cour d'appel est récemment implantée à Makamba, cette fois au sud, et disent être satisfaits de la diminution du trajet qu'ils effectuaient pour se rendre à Bururi. Ils affirmaient qu'il y a même ceux qui échouaient d'y poursuivre leur dossier suite à la pauvreté. Satisfaire leur doléance est l'un des avantages qu'ils espèrent tirer de cette cour d'appel, comme l'ont évoqué certains de ces justiciables rencontrés. Suivez-les. Tenant compte de la fatigue due au long trajet vers Bururi, il m'est arrivé à marcher à pied partant à la maison à 2h du matin. Je suis arrivé à la maison très fatigué et j'ai passé 3 jours sur la natte. Après la nouvelle de l'ouverture de la cour d'appel ici à Makamba, ça a été une grande satisfaction. Franchement, on vient de nous faire du bien. C'est la diminution de la fatigue parce que j'avais l'idée de ne plus suivre mon dossier à Bururi. Avec la création de cette cour à Makamba, nous avons fêté, vu qu'aller à Bururi était une souffrance pour nous. Je demande que cette juridiction se penche vraiment sur nos dossiers. La route menant vers Bururi n'est pas praticable. On arrivait souvent en retard et le ticket de transport montait du jour au jour. Pour y arriver, je payais soit 12 000 ou 15 000 francs et je m'y rendais à ma entreprise. Vraiment, ils nous ont fait une très bonne chose. Pour ceux qui n'ont rien, leur dossier semblait être oublié. Mais je pense qu'avec la cour d'appel ici à Makamba, ces dossiers seront revisités. Premièrement, nous avons très bien accueilli l'ouverture de cette cour d'appel de Makamba. Nous étions fatigués de se rendre chaque fois à Bururi. Le mauvais état de la route et le ticket de transport décourageaient certains justiciables. Pour le moment, celui qui ne va pas comparaître n'aura pas de prétexte de son absence, disant que la cour peut-être se trouve loin de chez lui. À la source, reportage. Des jeunes filles qui se créent de l'emploi en commune Gihanga de la province et Bubanza demandent l'appui de l'administration. Parmi elles, l'une s'est créée un secrétariat et précise qu'il y a une plus-value pour subvenir à ses besoins. Reportage signé Moïse Misago. Odette Ndaisenga a terminé sa formation pédagogique et elle est devenue chômeuse. Puis, elle a contracté un crédit pour créer son secrétariat. J'étais chômeuse pendant longtemps, alors que j'étais capable, car j'ai été secrétaire un jour. Puis, j'ai eu l'idée de créer mon propre secrétariat au lieu de rester à la maison. J'ai commencé à chercher le capital pour s'auto-créer un emploi. J'ai contracté un crédit auprès de mes amis que je vais rembourser petit à petit. Ce capital s'est levé à 1 500 000. Son travail de secrétariat commence à donner des fruits. Pour le moment, Odette satisfait ses besoins quotidiens Elle a déjà même acheté un ordinateur de travail. Elle demande aux autorités de porter main forte aux filles de pareilles initiatives. Parmi les avantages, j'ai déjà eu un autre ordinateur que j'utilise. Je remercie franchement. Un autre avantage, c'est que ce travail parvient à satisfaire certains de mes besoins. C'est un travail trop demandant aux autorités. C'est fatigant, mais si je fais ce genre d'initiative pour que nous puissions avancer ou avoir des associations fortes. La fatigue et la maladie oculaire sont parmi les obstacles qu'elle fait face. Vous vous retrouvez. C'est un travail trop fatigant. C'est vrai. Et cela fatigant même si je fais ce travail. Ces obstacles me rendent malade, surtout les maladies oculaires. Un client peut venir avec un service d'audipage pour une heure ou deux heures. Si vous essayez de satisfaire le client, vous vous retrouvez avec plus de fatigue et cela parfois cause des maladies. Beaucoup de fois, cela m'arrive. Le conseiller socioculturel de l'administrateur de la commune Gihanga, Ildefonso Badirutwabo, indique que l'administration organise des fois des formations à l'endroit des femmes. Nous les soutenons d'abord, nous les encourageons, nous faisons des réunions de sensibilisation quand on est sur les collines ou dans diverses réunions là. C'est ça ce que nous faisons, nous les encourageons de cette manière. Et puis s'il y a un intervenant qui a besoin d'une aide au niveau formation, tout ça, nous le faisons aussi. Cette autorité communale appelle les femmes à s'associer dans des coopératives. Radio Isanganiro, chronique éducation. La demande éducative est supérieure à la capacité d'accueillir des élèves est l'un des facteurs qui causent la surpopulation dans les salles de classe. Le professeur Pierre Claverne-Kanawazi explique que dans le cas où les élèves arrivent au stade de suivre les cours étant assis par terre, cela perturbe l'apprentissage, ce qui peut conduire à l'abandon scolaire. Selon lui, la mise en place de la politique des naissances est l'une des solutions pour atténuer à ces problèmes causés par le surnombre d'élèves. La chronique éducation de aujourd'hui, c'est avec Marie-Claire Cazenese. La surpopulation dans les salles de classe des écoles primaires et secondaires ne doit pas être considérée comme celle que l'on trouve dans les écoles universitaires. Le professeur Pierre Claver-Kanawadze en donne des explications. Ceci ne justifie pas le fait qu'au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons affaire à des apprenants adultes responsables de leur propre formation. Vous pouvez trouver des amphithéâtres pouvant abriter 500 étudiants et plus. Les étudiants sont amenés à compléter, à enrichir leur propre savoir car les enseignants donnent souvent des orientations. Pour le niveau inférieur, l'enseignant doit suivre de près les mouvements des élèves. Certains enfants ne maîtrisent pas correctement la culture de l'école. D'autres sont des adolescents à suivre de près. Dans le cas où le nombre d'élèves dépasse la capacité d'accueil, les inconvénients n'en manquent pas, comme la difficulté de les évaluer. Par exemple, le manque d'encadrement des élèves est suffisant, la réduction des travaux d'évaluation. Or, c'est à travers les travaux d'évaluation que l'enseignant observe les erreurs commises par les élèves. Avec les erreurs, le travail de la remédiation devient facile. L'efficacité d'une cure thérapeutique dépend du bon diagnostic de la maladie. En outre, plus l'élève s'exerce à travers les travaux d'évaluation, plus il découvre ses talents et ses faiblesses. Et s'il arrive que quelques-uns parmi eux peuvent suivre les cours étant assis par terre suite à cette surpopulation, peuvent suivre la perturbation de l'apprentissage et l'abandon scolaire dans la plupart des cas. Ce phénomène peut en partie s'expliquer par des équilibres entre l'offre et la demande éducative. Et le fait que les élèves soient assis par terre perturbe les activités d'enseignement-apprentissage, car l'enseignant n'est plus capable de contrôler les activités des élèves. Un élève peut être absent tout en étant présent, car étant préoccupé par d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les activités de la classe. Quant aux élèves qui occupent les positions assises, il est difficile de prendre des notes et ils éprouvent une très grande fatigue suite à cette position. Cette étape peut même le conduire à l'abandon scolaire. Face à cela, l'enseignant doit avoir du courage puisque c'est une situation qui ne vient pas de lui. Cependant, il doit veiller à ce qu'il y ait de l'équité dans l'occupation de la classe. Il ne faut pas que ce soit les mêmes élèves qui suivent les cours étant assis par terre. Il faut qu'il y ait de l'alternance. Mais, encore une fois, c'est dommage qu'à l'époque où nous sommes, d'autres situations puissent encore s'observer. Selon le professeur Pierre Claver-Kanabadze, la mise en place de la politique des naissances est l'une des solutions pour atténuer à ces problèmes causés par le surnombre d'élèves. Il faut consolider la planification et ceci à tous les niveaux d'enseignement. Un problème majeur s'oppose dans notre pays, à savoir la non-maîtrise des naissances. Aussi longtemps qu'une politique nationale des naissances n'est pas mise en place, le problème des effectifs scolaires et à tous les niveaux d'enseignement vont perdurer. Et tous les problèmes que connaissent notre système éducatif n'est qu'une conséquence de la forte démographie que connaît notre pays et qui, malheureusement, reste non maîtrisée. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubrimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.